Allô, Terre, appelle Fusée Lunaire. Explorer de nouveaux mondes étranges. Fusée Lunaire, répondez. Découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter, comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. C'est un petit monde glacé qui évolue à près de 6 milliards de kilomètres du Soleil. Un monde où les années durent près de 90 500 jours terrestres et où les températures avoisinent les moins de 130 degrés Celsius. Bienvenue sur Pluton, la plus grande des planètes naines du système solaire connu à ce jour. En 2015, la sonde New Horizon, au terme d'un long voyage, nous a envoyé des clichés d'une précision jamais atteinte de ce petit monde lointain et mystérieux. Qu'ont révélé ces images? Pourquoi la sonde New Horizon n'a fait que survoler l'astre sans s'y attarder? Vers quels autres objectifs s'est-elle ensuite dirigée? Cet après-midi, nous vous emmenons bivouaquer aux confins du système solaire, sur Pluton et même au-delà. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter, je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Daniel Fievé, nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observons. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac cosmique du jeudi. Et bonjour François Forget. Bonjour. Vous êtes planétologue et astrophysicien au CNRS et à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous allez donc nous raconter cette mission de la sonde New Horizon à laquelle vous avez participé et ce qu'elle nous a appris sur Pluton. Les auditeurs peuvent nous adresser leurs questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous découvrirons des histoires d'aventuriers malchanceux dont les explorations ont viré au fiasco avec l'écrivain et humoriste Bruno Léandri. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier et préparée par Juliette Soudarin et Mathieu Aoued. Voici la meilleure photo de Pluton et de son satellite Charon. C'est tout ce dont disposent les scientifiques, autant dire bien peu. D'où le lancement de la sonde New Horizon qui mettra 9 ans pour atteindre Pluton. Elle est particulièrement petite, 2300 km de diamètre. Et pour faire le tour du Soleil, il ne lui faut pas moins de 248 ans, contre un an pour la Terre. Mais est-ce vraiment une planète? Les scientifiques s'interrogent. On peut le considérer comme un très gros astéroïde. Et c'est les caractéristiques d'une famille de corps située au-delà de Neptune, que nous appelons la famille de Kuiper, et qui sont situés très loin de nous, et qui sont représentatifs de cette nébuleuse primitive à partir de laquelle nous sommes nés. Ce sont les corps les plus lointains du Soleil, les plus froids, donc les mieux conservés. La voix du regretté astrophysicien André Braïc. Nous étions en janvier 2006. La sonde New Horizon s'apprêtait à entamer son voyage. Quelle était sa mission exactement, François Forget? Alors, cette mission, c'était de enfin aller explorer Pluton, donc à l'époque la dernière planète du système solaire. Hein. Vous savez bien que près du Soleil, en gros, on a Mercure, la Terre, Vénus, Mars. Un peu plus loin, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis derrière, on avait découvert depuis 1930 un petit objet glacé, un peu tout seul pendant très longtemps, et qui était Pluton. Oui. Et depuis longtemps, bien sûr, des astrophysiciens, des explorateurs voulaient envoyer une sonde là-bas. Et c'était donc enfin la mission qui était prévue d'aller vers Pluton. Et puis entre-temps, dans les années 90, on avait découvert ce qu'a évoqué André Braïc, d'autres compagnons à Pluton, d'autres objets qui sont là, au-delà des planètes géantes, donc on appelle ça les objets transneptuniens. En fait, c'est toute une ceinture de différents corps. Et l'idée, c'était d'aller voir Pluton et peut-être ensuite d'aller explorer un peu plus loin, d'aller explorer cette ceinture d'objets de Kuiper. Et alors, quelles sont les caractéristiques de cette sonde New Horizon, donc Nouveaux Horizons, qui est, alors, elle était vraiment conçue pour aller très vite, très légère, pas de panneaux solaires. C'est une sonde technologiquement intéressante, originale. Elle est, en fait, vous avez raison, la grande difficulté pour aller jusqu'à Pluton, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment loin. C'est en gros 30, 32 fois, à l'époque, hein, plus éloignée que le Soleil, vous voyez, on utilise ça s'appelle l'unité astronomique. Bref, c'est à plus de 4 milliards de kilomètres, ça parle à personne. Tout ce qu'on sait, c'est que on voulait mettre moins de 10 ans pour y aller. Et ça, c'était très difficile. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a essayé de concevoir la plus petite sonde spatiale possible. Donc, faut imaginer, hein, c'est une espèce de gros triangle, en fait, c'est une forme de triangle, avec une grosse antenne qui fait un peu plus de 2 mètres de diamètre. Et puis, on l'a mis, donc elle fait à peu près 425 kilos, 454 kilos, je crois. Mmh. Et on l'a mis sur la fusée la plus massive, la plus puissante que l'on a pu trouver à l'époque, c'est une Atlas 551, enfin, je ne vais pas entendre les détails. Mmh. Le tout, c'était de l'accélérer le plus possible pour y aller en moins de 10 ans. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose d'original. Faut voir les images de la petite sonde qui est beaucoup plus petite que d'autres sondes dont vous avez entendu parler, sans parler d'Apollo, dont ouais. qu'on a beaucoup évoqué cet été. C'est une toute petite sonde dans une immense coiffe, comme ça. Mm-hmm. On a mis quand même une fusée supplémentaire, un troisième étage, et puis on l'a lancée donc en 2006. Alors elle est propulsée, puisqu'elle n'a pas de panneau solaire, quelle est l'énergie qui la propulse, cette sonde ? Ouais, le problème, quand on est au niveau de Pluton, on reçoit à peu près 1000 fois moins d'énergie solaire qu'autour de la Terre. Ouais. Alors vous imaginez, si on met des panneaux solaires de la même taille, ou plutôt de la même capacité, il faudrait des panneaux solaires 1000 fois plus grands. Ouais. Donc c'est pas possible. Donc ce que l'on fait, c'était pas la première fois, hein. On utilise du plutonium, un oxyde de plutonium, ouais. Bref, quelque chose qui est un peu radioactif, qui chauffe. Si vous voyez un jour des photos de New Horizons, on voit une espèce d'appendice comme ça, avec des petites ailettes, un petit radiateur. Et donc ça chauffe, et avec un principe physique qui consiste à utiliser un thermocouple, on arrive à extraire de l'énergie. Alors pas beaucoup, hein, quelques dizaines de watts, mais ça suffit pour alimenter cette sonde spatiale, et là, avec une autonomie énorme, jusque au-delà des années 2030. Ouais, du plutonium pour aller vers Pluton et au-delà, et un budget $1 milliard, hein, pour cette sonde. C'était une mission particulièrement ambitieuse. Alors, $1 milliard, c'est à la fois cher et pas cher. Ça vous semble très cher, ouais. Mais on en fait des plus chers. Alors, je vais pas rentrer dans le jargon de la NASA, mais c'est une mission de taille intermédiaire. Alors, bien sûr, c'est cher, mais évidemment, c'est un travail incroyable. Franchement, une autre manière de le raconter, c'est qu'on n'aurait pas su la faire en Europe. Elle a été conçue assez rapidement, en quelques années, et puis en utilisant des technologies assez impressionnantes, et au final, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Elle était en particulier développée de manière à ce que toute panne soit interdite. On fait ça généralement dans le spatial, hein. Un ordinateur de secours, tout est redondant. Mais là, c'était vraiment fait à la perfection, et en plus, on a très très peu utilisé justement les redondances, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis a très bien fonctionné. C'est un petit chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre pour aller visiter ce monde connu depuis peu, hein, finalement. Elle a été découverte tardivement, en 1930, cette planète. Comment a-t-elle été découverte ? Alors, faut voir qu'elle est vraiment très peu lumineuse depuis la Terre. Hein. Elle est très très difficile à voir, par exemple, avec un télescope d'amateur, même des amateurs extrêmement érudits. C'est quand même assez ténu. Alors, l'histoire, c'est que tout commence, on va dire, au 19e siècle. Vous savez peut-être que en faisant des calculs, on avait découvert Uranus au 18e siècle. Déjà, on la voit pas bien à l'œil nu. Et en faisant des calculs, on s'est rendu compte que l'orbite d'Uranus était pas normale, était perturbée. Cette perturbation, hop, des astrophysiciens, des mathématiciens comme Urbain Le Verrier en France l'ont utilisé pour estimer qu'il devait y avoir une autre planète qui perturbait. Et c'est ainsi qu'on a découvert Neptune. Ils ont dit, d'après mes calculs, là, on devrait trouver une planète. Par la suite, d'autres ont essayé de faire pareil avec Neptune. Et les calculs étaient en fait très difficiles, un petit peu faux, mais un Américain, Percival Lowell, à la fois millionnaire ou milliardaire et passionné d'astronomie, qui avait fondé un observatoire dans l'Arizona à l'époque, faut imaginer, c'était le Western, hein, avait calculé ou pseudo-calculé qu'il devait avoir une planète X. Évidemment, son rêve, c'est d'avoir une planète à lui. Alors, il a commencé la recherche et il trouve rien. Les années passent, des dizaines d'années passent, et puis dans les années fin des années 20, 1929, on a recruté un stagiaire, en gros, en Clyde Tombaugh, un jeune Américain, 24 ans, pas trop diplômé, il avait juste commencé un peu l'université, fils de fermier. On dit toujours qu'il est fermier, non, il était fils de fermier. Et puis on lui a dit, tiens, toi, tu vas essayer de trouver la planète X. Et il a été assez astucieux, assez efficace. Il a un peu amélioré les techniques de l'observatoire. Et en 1930, grâce à une méthode très particulière qui consiste à prendre une photo d'un champ d'étoiles un jour, d'attendre environ quelques jours, une semaine. Et une semaine plus tard, on reprend le même champ d'étoiles. Et si quelque chose bouge dans ce champ d'étoiles, eh bien, on va détecter une planète. Alors, si c'est quelque chose qui est, par exemple, dans la ceinture d'astéroïdes, ouais, ça bougera très vite. Mais un jour, en janvier 1930, il a vu quelque chose qui bougeait lentement. Et il a dit, oh là ! Et il avait découvert Pluton. Ouais. Alors, on s'est rendu compte par la suite, mais assez longtemps après, en 1978, qu'elle n'était pas toute seule, cette petite planète Pluton. À côté, elle avait... C'est même pas exactement un satellite, hein, Charon. En fait, c'est un couple, ces deux astres qui se tournent autour l'un l'autre. Voilà. entre 1930 et 78, presque pas, on apprend presque rien sur Pluton, à part son orbite, qui est quand même particulier, etc. Et puis, un peu par hasard, James Christie, aux États-Unis, en regardant un peu pour calibrer, en fait, sa caméra, il repère une excroissance avec la résolution qu'il y avait à l'époque. Et puis, il voit que ça tourne en un peu moins d'une semaine. Et il en déduit qu'il y a un satellite. Donc, effectivement, on a trouvé une nouvelle lune, Charon, qui est deux fois plus petite que Pluton. Mais vous avez raison, le résultat, c'est que les deux tourne autour du centre de gravité commun, c'est ce qu'on apprend au lycée, mais ce centre de gravité commun, il est entre les deux, un peu plus près de Pluton, bien sûr, qui est plus massif, mais donc ça fait un joli balai, on voit les deux qui tournent, c'est une belle application de la physique. Un joli balai qui s'est encore complété, puisque autour de ces deux astres principaux, Pluton et Charon, il y a encore alors là, de plus petits satellites qui tournent autour de ce noyau que forme ce couple d'astres. Ouais, naturellement, notamment dans le cadre de la mission New Horizons, on a cherché à savoir s'il y avait peut-être un anneau, des petites lunes, etc. Et puis progressivement, juste avant à l'époque du lancement de la mission, on a découvert deux premiers satellites qui faisaient à peu près une cinquantaine de kilomètres, qu'est-ce qu'on a nommé. Alors, le thème, vous avez compris, hein, Pluton, on nomme les objets sur le thème de l'enfer, la mythologie. Donc, Pluton, Charon, que tout le monde connaît, et puis Nyx et Hydra. Donc, Hydra avec l'Hydra à neuf têtes. Mmh. Et puis, Nyx, je crois que c'est la nuit, c'est l'enfer. Mmh. J'espère pas dire de bêtises. Ouais. Et puis, quelques années plus tard encore, en 2011 et en 2012, en cherchant encore mieux, toujours avec le télescope Hubble, depuis la Terre, c'est vraiment très difficile. On a découvert encore deux autres petits satellites qui faisaient à peu près une dizaine de kilomètres. Mais finalement, c'est tout un petit système, là. C'est-à-dire qu'on a deux gros astres, enfin deux petites planètes qui se tournent autour, et puis autour encore des petits satellites. C'est une véritable horlogerie, tout un système qu'on observe autour de Pluton. Exactement. En plus, les orbites sont assez regroupées. Faut le voir sur un petit film, c'est assez marrant quand on le représente. On a vraiment effectivement donc Pluton et Charon qui tournent l'un autour de l'autre, du centre de gravité commun. Et puis assez serré, assez proche, bien plus proche que ce que l'on voit ailleurs, eh bien ces petits satellites qui virevoltent, en plus ils ont des périodes de rotation assez bizarres, ils se perturbent l'un l'autre, tout ça est ce qu'on appelle en résonance, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que pour les astrophysiciens ça fait une horlogerie céleste magnifique. Ça méritait vraiment d'aller y jeter un œil de plus près. Alors effectivement, donc la sonde décolle en 2006 avec pour objectif d'aller visiter Pluton. Elle est alors considérée comme la 9e planète du système solaire, mais quelques mois plus tard, alors que la sonde est déjà partie, coup de théâtre, Pluton est déclassé. Depuis l'école primaire, nous en étions convaincus, le système solaire était composé de 9 planètes. Vénus, Mercure, la Terre, Mars, la planète rouge, Jupiter la plus importante, un peu plus loin, Saturne et ses anneaux, puis Uranus, Neptune, mais depuis aujourd'hui, Pluton aux confins du système n'en fait tout simplement plus partie. Lors de la 26e Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale, les experts réunis à Prague ont décidé à main levée de déclasser Pluton. Depuis de nombreuses années, ce petit astre posait des problèmes aux astronomes. Lors de la découverte de Pluton en 1930, les savants pensaient alors que sa taille était équivalente à celle de la Terre, ce qui lui a valu le statut de planète. Mais depuis, les astronomes ont établi qu'elle était en fait plus petite que la Lune et s'apparentait à un gros astéroïde. Pluton est un petit astre et elle ne peut être classée dans la même catégorie que les 8 autres planètes, qui sont beaucoup plus grosses. Reste maintenant à modifier les manuels scolaires afin de prendre en compte cette révolution du système solaire. Depuis le 24 août 2006, François Forget, Pluton n'est plus la 9e planète du système solaire, comme nous l'avons appris en classe, l'un et l'autre, on est de la génération qui a appris ça à l'école. Pourquoi et qu'est-ce que ça change? Alors, c'est vrai que on me demande souvent, Pluton n'existe plus. Les gens se disent, ça n'existe. Non, bien sûr, Pluton a juste été reclassé comme planète naine. Alors c'est un peu dégradant entre guillemets, mais non, elle est bien encore là. Alors l'idée était la suivante, c'est que un petit peu comme pour les astéroïdes, faut s'imaginer, on est au 19e siècle, on avait d'abord trouvé Cérès en 1801. Puis ensuite, on a trouvé d'autres, Vesta, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais il y en a combien? Il y en a des milliers. Alors, combien de planètes dans le système solaire? Si chacune de ces astéroïdes est une planète, on peut plus les compter, ça va être compliqué dans les livres, etc. Alors, il a été décidé de dire, celles-là, on va les mettre dans une grande sous-famille qu'on va appeler les astéroïdes. Et avec Pluton, pendant longtemps, on a été tranquille. Entre 1930 et les années 90, elle était toute seule, avec juste ses lunes. Et puis, tout d'un coup, on a trouvé d'autres, y compris, par exemple, une qui s'appelle Eris, qui est presque plus massive que Pluton. Mais qui est plus petite, enfin en volume. Oui, alors, vous allez dans les détails. Presque la même taille. Et donc, on était, on savait pas quoi faire. Est-ce qu'il y avait 9 planètes, 100 planètes, 2000 planètes, ou, alors, il a été, vous avez entendu tout à l'heure André Breil, qui a été en première ligne sur cette réflexion, dans le cadre de l'UAI, c'est l'espèce de Nations Unies des astronomes. Bref, il a été décidé de dire que Pluton, d'accord, c'était une planète par bien des aspects, elle tourne autour du Soleil, elle est suffisamment grosse pour avoir une forme circulaire, mais comme elle n'a pas fait, entre guillemets, le ménage sur son orbite, parce qu'elle n'est pas assez grosse pour avoir éjecté tous les autres corps, et elle forme une ceinture avec les autres, alors on a dit, bon, bah, c'est une planète nette. Alors, qu'est-ce que ça change? Pour moi, rien du tout. Personnellement, je trouve que c'est juste de la nomenclature. C'est un petit peu comme si on disait que autrefois on avait dit que l'Australie était un continent, puis d'un coup on dit non, l'Australie c'est petit, c'est juste une île. Pour les kangourous ou pour les géologues australiens, ça change rien. C'est tout aussi intéressant l'Australie. Alors c'est plutôt mon avis. Par contre, je dois dire que pour mes collègues de l'équipe New Horizons, ils sont quand même vent debout contre cette décision et ils cherchent à réhabiliter Pluton, qui par bien des aspects mériterait son statut de planète parce que c'est un vrai monde très compliqué. Et magnifique. Un monde très compliqué que nous allons découvrir. Nous allons voir dans la suite de cette émission les paysages que New Horizon a découverts en survolant Pluton. Les clichés ont réservé quelques surprises aux scientifiques. Pour adresser une question à notre invité, l'astrophysicien François Forget, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Plutonien, plutonienne, Jerry Smith est un scientifique de la planète Terre sur laquelle il crée une maquette de notre système solaire. Jerry, dites à Pluton la décision que vous avez prise. Pluton est une planète. Pluton est une pute de planète, Bondoff. Oh la vache, ça va lui monter à la tête, c'est sûr. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? Nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war. Storm conditions in the asteroid belt at C'était Clouds Across the Moon, Robin sur France Inter, le temps d'un bivouac. On the deep space network. In lock on symbols. So that's the first step. We're getting data. Okay, copy that. We are in lock with telemetry with the spacecraft. Un échantillon des explosions de joie que peut susciter la sonde New Horizon. Elle a fait plusieurs frayeurs hein, aux scientifiques parce que parfois elle s'est éteinte, en tout cas elle a arrêté d'envoyer des signaux et puis la communication s'est rétablie. Là en l'occurrence c'était juste après le survol de Pluton, il y a eu un moment de silence et là la communication est rétablie, c'est ça François? Ouais, c'est ça, c'est une sonde pour pouvoir l'économiser entre guillemets. On l'éteint régulièrement, jusqu'à presque un an, enfin 7 mois, je crois, maximum, d'affilée. Comme ça, quand on arrivait autour de Pluton, eh bien, les instruments n'avaient fonctionné que quelques années et non pas tous les 10 ans qu'il a fallu. Hein, si vous avez une télé et que vous la gardez 10 ans, vous allez plutôt la garder éteinte que allumée tout le temps. Donc, c'est le choix qui a été fait. Mmh. Et alors, évidemment, à chaque fois qu'on rallume et surtout, pendant, on en reviendra. Quand on a survolé Pluton, il y avait un très très grand suspense de savoir si la sonde avait survécu au survol et puis si elle avait bien fonctionné. Ouais. Et même avant, alors cette sonde est très rapide, c'est-à-dire qu'elle a atteint la Lune en 9 heures, hein, alors que évidemment Apollo avait mis plus de 3 jours. Elle a atteint Jupiter en 13 mois. Et au moment d'arriver, quelques semaines ou jours avant d'arriver à Pluton, blackout, elle ne répond plus. Et là, ça a été l'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça reste encore quelque chose qui a traumatisé toute l'équipe. Donc la sonde devait survoler Pluton au plus proche le 14 juillet, Cocorico. Ouais. Et elle devait commencer une séquence un peu automatique d'observation très intense le 7 juillet. Et le 4 juillet, jour férié aux États-Unis, c'est la fête, Independence Day, un samedi, tout d'un coup, la sonde cesse de répondre. Elle se met, ce qu'on appelle dans le jargon, safe mode, c'est-à-dire que, bref, on n'a plus de contact. Ouais. Et là, c'est vraiment une panique parce que, pour deux raisons. La première, c'est que c'était jamais arrivé, pas jamais vraiment sérieusement, on va dire. Et on n'avait aucune information pour savoir si elle avait explosé. C'est déjà arrivé, hein. Moi, j'ai travaillé sur une mission qui s'appelait Mars Observer. Mmh. 3 jours avant d'arriver, poum! Explosion, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a disparu. Mmh. Énorme suspense. Et puis l'autre raison pour laquelle c'était très très inquiétant, c'est qu'elle est tellement loin, Pluton c'est tellement loin, que pour envoyer un signal radio pour demander « comment vas-tu ?» il faut le signal radio met 4h30, la réponse met 4h30. Donc il faut 9h plus tard, on est « bon ça va pas trop ». Alors on peut pas réparer comme ça quoi. Ouais. Et en plus, on a reproduit la séquence de commandes qu'on lui avait envoyée, mais sur une espèce de maquette, enfin d'imitation de sœur, de, ah, je vais arriver, jumelle de la sonde qui est sur Terre, et elle n'est pas tombée en panne. Bon, on a quand même déduit qu'il y avait une surcharge de la mémoire, on lui avait demandé de faire beaucoup de choses, parce qu'on était justement en train de charger dans les mémoires de l'ordinateur toutes les séquences d'observation très complexes qu'elle devait faire entre le 7 juillet et puis le 17 juillet. Et on s'est dit que c'était ça le problème. Mais le temps de réparer, bah, on a juste eu le temps. Enfin, ça a été vraiment une surfroide. In extremis. Ouais. Alors la sonde, évidemment, a réussi à repartir. Elle est passée au-dessus de Pluton. Elle a pris des clichés qui ont suscité l'enthousiasme et provoqué la surprise jusque dans le journal de 20h de France 2. Premières images en haute résolution de Pluton envoyées sur Terre par la sonde américaine New Horizons. On y découvre de manière totalement inattendue des montagnes de 3500 mètres d'altitude, ce qui prouve une activité géologique, comme disent les chercheurs, alors qu'ils imaginaient la planète naine totalement inerte. Explication Marie-Pierre Cassignard. C'est une image que l'on attendait depuis 9 ans. La surface de Pluton, photographiée par la sonde américaine New Horizons, est un détail stupéfiant. Jusqu'alors inconnu. Une chaîne de montagnes haute de 3500 mètres. Preuve pour les scientifiques que la croûte glacée qui recouvre Pluton est assez solide pour soutenir de tels sommets. Autre enseignement, pas de cratère à la surface, donc pas de bombardement de météorites comme on le pensait jusqu'à maintenant. Alors François Forget, décrivez-nous ces images reçues. Est-ce qu'elles vous ont réellement surprise, ces images ? Oui, elles nous ont surprises, elles m'ont surprise pour deux raisons, on va dire. D'abord, il y avait des choses inattendues. Ouais. La quantité de glace qu'il y a là-bas, qui forme des glaciers, etc. C'était pas du tout ce à quoi on s'attendait, on va dire. Et puis l'autre raison, c'est qu'en fait, c'était magnifique. Par bien des aspects, les photos sont absolument époustouflantes. Il faut imaginer, donc la partie centrale qui a été particulièrement bien observée par New Horizons, eh bien, c'est un espèce d'océan de glace d'azote, extrêmement froid. On est là à moins 235 degrés Celsius, hein, quelques, on va dire 38, 40 degrés au-dessus du zéro absolu, vous voyez, c'est, et donc là, à cette température-là, l'azote qui est de l'air chez nous, ça forme des glaciers qui coulent et qui sculptent les montagnes. Alors, les montagnes elles-mêmes, c'est de la glace d'eau. Mais à cette température-là, c'est dur comme du caillou. Ça se comporte comme du caillou. On sait que tout le manteau, sur des centaines de kilomètres d'épaisseur, l'extérieur de Pluton, c'est de la glace d'eau. Bref, résultat. Vous avez ces glaciers d'azote avec du méthane qui coule, qui sculpte les montagnes et les paysages. Ça évoque quoi? Ça évoque les Alpes. Ça évoque même des endroits, ça évoque même encore plus des endroits qui sont parmi, à mes yeux, les plus beaux. Je trouve que j'ai comme une autre passion qui est l'exploration polaire. Et ça évoque le bord de l'Antarctique, le bord du Groenland. Et c'est absolument sidérant, avec des falaises énormes et puis ces magnifiques glaciers. En plus, vous avez au-dessus une atmosphère que l'on a pu voir en regardant à contre-jour. Et là, on a de fines strates, elle est bleutée, et on voit de fines strates de brume organique. Je pourrais rentrer dans les détails. Et bref, l'ensemble est magnifique. C'était pas évident, hein, ça n'a pas de raison d'être magnifique, mais c'était magnifique. Mais on s'attendait à quoi? C'est-à-dire que c'est un paysage que l'on supposait possible ou on s'attendait à quoi? Qu'est-ce qu'on savait de cette planète? On avait déjà obtenu quelques images avec des sondes précédentes ou des télescopes? Alors, pour ce qui est de l'image, justement, on n'avait presque rien. Lorsqu'on utilisait le meilleur télescope à notre disposition, c'était en fait le télescope Hubble, vous savez, le télescope spatial, et ben Pluton, ça ressemble à rien. Il y a quelques pixels, ça fait une boule, on voit vaguement qu'il y a des endroits un peu plus sombres, mais on voit pas grand-chose. Vraiment, on n'avait aucune image réelle à utiliser. Par contre, on avait pu mener l'enquête avec des méthodes d'astrophysiciens qui étaient assez efficaces, dont les résultats ont été confirmés par New Horizons. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, lorsqu'on regarde Pluton, alors non pas avec une caméra simplement, mais un spectromètre, donc c'est un peu technique, on voit que quand on regarde donc des centaines de couleurs, on voit qu'il y a la signature de différentes glaces. J'ai évoqué, on voit très bien le méthane, un petit peu l'azote, et en utilisant ces spectres, on avait pu déterminer, bah oui, il y a de la glace de méthane, de la glace d'azote, une atmosphère au-dessus, on avait pu concevoir ça. Par ailleurs, on avait pu aussi étudier cette atmosphère grâce à une méthode assez astucieuse qui nous permet d'explorer comme ça les objets très lointains. Lorsqu'on a la chance, alors c'est pas facile d'imaginer, mais vous avez, lorsqu'on a un alignement entre une étoile là-bas dans la galaxie, Pluton au premier plan et la Terre, alors c'est la Terre qui se déplace le plus vite dans cet alignement, eh bien on peut voir l'étoile qui disparaît dans l'atmosphère et remonte de l'autre côté, vous voyez. Et avec cette méthode-là, en étudiant très attentivement la courbe de lumière, on appelle ça, eh bien on peut remonter au profil de densité de l'atmosphère et même au profil de température. Et on avait appris comme ça qu'il y avait une atmosphère très particulière. Bon, on pouvait mener l'enquête comme ça. Donc des observations finalement très indirectes, alors que là, on avait vraiment des images avec cette sonde, on avait des photos, comme si on y était, de véritables cartes postales de Pluton. En plus, les seules références qu'on avait, c'était d'autres mondes. Par exemple, Triton, un satellite de Neptune qu'on avait survolé avec la mission Voyager dans les années 80, on ressemblait beaucoup, quand on regardait les spectres, ce que je racontais à l'instant, ça ressemblait beaucoup à Pluton. On se dit, ça va ressembler à Triton. Eh ben non, c'est Pluton, honnêtement, c'est beaucoup plus beau. Ouais. Et donc, c'était une très bonne surprise. Et il y avait aussi des cryovolcans, vous nous en avez pas parlé. C'est quoi un cryovolcan? Alors, j'ai évoqué le fait que la croûte et le manteau de Pluton, sur Terre, la croûte et le manteau, c'est du caillou, c'est-à-dire c'est des roches silicatées, etc. Et quand ça chauffe à l'intérieur, ça fait du magma et des volcans. Sur Pluton, le manteau et la croûte, c'est de la glace d'eau, tellement froide que ça se comporte comme du caillou. Par contre, quand ça chauffe, la glace d'eau à très haute température sur Pluton, c'est-à-dire au-dessus de 0 degrés Celsius, et ben ça fait de l'eau liquide. Et donc, on a trouvé des endroits qui ressemblent un peu à des volcans, c'est-à-dire on voit une grosse montagne, 5000 mètres de haut, avec un cratère au milieu. Et on se dit, ça ressemble vraiment à un volcan. Sauf que comme la croûte, c'est de la glace d'eau, on imagine que ce sont des cryovolcans. Cryo, ça veut dire glace, donc c'est des volcans de glace d'eau. Certainement, il y a du gaz qui sort de là, de l'ammoniac, de méthane, on sait pas quoi. On mène l'enquête. Il y a beaucoup de débats, je dois dire, au sein de l'équipe, parce qu'on comprend pas bien comment ce que l'on observe, la montagne énorme qui devrait être un volcan, s'est formé comme cela. Alors, il faut dire quand même que cette sonde New Horizon est passée sans s'arrêter au-dessus. C'est-à-dire qu'elle a fait ce long voyage de 9 années entre la Terre et Pluton. Et une fois arrivée à Pluton, elle n'a fait que passer, elle a poursuivi son chemin. Pourquoi ? Ouais, pour vous dire, elle fait 1 million de kilomètres par jour. Donc, le jour d'avant, on était 3 fois plus loin que la Lune de la Terre. Mmh. Et puis, hop, on est passé comme ça en quelques heures. La raison, c'est que si on avait voulu s'arrêter, hein, la vitesse à peu près relative, c'est donc 1 million de kilomètres par jour, ça fait un peu plus de, on va dire, 12, 13 kilomètres par seconde. S'il avait fallu s'arrêter, comme vous le savez, par exemple, quand on envoie une fusée dans l'espace, il faut qu'elle atteigne pour aller 7 km par seconde. Mmh. Qu'est-ce que je raconte là? Ce que je veux dire, c'est que pour freiner New Horizons, pour qu'elle se mette en orbite, il aurait fallu qu'elle amène avec elle, dans son sac à main, une fusée de la taille d'une fusée Soyouz. Un truc qui fait 60 mètres de haut, un truc énorme, quoi. C'était tout à fait impossible. Il n'y a pas de frein sur cette sonde. Non, pas de frein. Et puis, il faut bien se rendre compte que c'était extrêmement compliqué à monter parce que non seulement il n'y avait pas de frein, mais il n'y avait pas de seconde chance. On pouvait passer là qu'une seule fois. Et si on n'avait pas exactement pointé de manière automatique à cette distance si lointaine, exactement la caméra au bon endroit, le spectromètre au bon endroit pour prendre la photo haute résolution, là où on savait que c'était intéressant, le coucher de soleil, le lever de soleil, etc., bah, tout était perdu. Ouais. Et tout a été fait à la perfection, avec beaucoup d'entraînement. C'était un travail énorme qui a pris plusieurs années et qui a été, je dois dire, réussi de manière éblouissante. Ouais, quelle réussite. Vous vous sentez l'âme d'un explorateur quand vous participez à ce genre de mission, même avec une sonde comme intermédiaire? Mais plus que jamais. En plus, il faut le dire, c'est on est quand même dans cette émission, le temps d'un bivouac sur l'exploration. C'est l'exploration humaine la plus lointaine, indirectement bien sûr, hein, mais la plus lointaine jamais réalisée. Ouais. Et on n'a jamais observé quelque chose d'aussi lointain autrement qu'avec cette sonde New Horizons. Ouais. Donc ça, c'était quand même une grande fierté. Et puis, il y a d'autres aspects qui rappellent vraiment l'exploration. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on découvre tout d'un coup cette planète, eh bien, il faut nommer. Ah, c'est ce que faisaient nos ancêtres navigateurs. Ils arrivaient en Afrique, puis plus tard en Antarctique. Fallait tout nommer. Ben là, c'était quelque chose qui a dû être fait rapidement. Alors, tout n'est pas encore officiel, mais c'était assez rigolo. Il fallait dire, telle montagne, ça va être d'après tel nom, etc. Les thèmes qui ont été retenus, pour vous dire, pour Pluton, c'était alors toujours le monde des enfers. Alors, parfois l'enfer de romans de science-fiction comme Tolkien, il y a Cthulhu, Makula, etc. Mmh. Les explorateurs, alors, pour nous Français, c'est intéressant. On a une montagne qui s'appelle Jacques-Yves Cousteau. Mmh. On a une montagne Jeanne Barret. Vous savez qui est Jeanne Barret? C'était la première femme qui a fait le tour du monde sur l'expédition. On lui a consacré une émission entière l'année dernière. Ah, formidable. Donc effectivement. Alors c'est une vedette aux États-Unis parce qu'il y a eu un livre sur elle qui a eu beaucoup de succès. Mmh. Et puis ça, c'est une chose sur Pluton. Mais sur la Lune Charon, on s'est encore plus amusé parce que là, il y a des noms qui viennent du monde de la science-fiction. Vous avez un cratère Captain Kirk de Star Trek, un cratère du nom de Han Solo ou Dark Vador. Et il faut imaginer que dans quelques centaines d'années, les futurs astrophysiciens qui étudieront, ils diront mais qui était Captain Kirk, quoi? Oui, c'est ça. Et ça, normalement, ça devrait rester. C'est pas encore officiel. C'est pas encore complètement acté. Alors, la mission de New Horizon n'était pas terminée pour autant. Elle a fait que passer au-dessus de Pluton. Elle a mis le cap sur Ultima Thule. C'est quoi Ultima Thule? Alors, Ultima Thule, c'est un de ces fameux objets de Kuiper, objets transneptuniens, c'est la même chose en gros, que l'on a découvert à partir des années 90, au-delà de l'orbite de Pluton. Et c'était bien là l'idée derrière le New Horizon, je l'ai dit tout à l'heure, survoler Pluton, puis essayer d'aller explorer autre chose. Alors Ultima Thule, c'était un de ces petits objets, beaucoup plus petit que Pluton, hein, il fait 32 km de long, une vingtaine de kilomètres de large, en fait c'est deux disques sphères à coller, on y reviendra. Mais en tout cas, l'idée c'était donc de rediriger la sonde juste après le survol de Pluton vers Ultima Thule. Ce qui a été très difficile, c'est que quand on a lancé la mission, on ne connaissait pas encore l'existence d'Ultima Thule. Ultima Thule a été découvert après que la mission ait été lancée. Il a donc fallu reprogrammer cette sonde. Et le survol d'Ultima Thule a eu lieu le 1er janvier dernier. Vous allez nous raconter ces nouvelles découvertes que la sonde New Horizon a réalisées dans un instant. Le temps d'un bivouac aux confins de notre système solaire avec l'astrophysicien François Forget. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bas? cigarette. Pendant que je restais sur place sans un mot, sans un geste, l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Va-t'en, mademoiselle. Dans les étoiles. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. Le temps d'un bivouac. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Sur France Inter. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Je veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie. C'était les trois loupards de Voyou. J'écoute RF. Votre green screen. À voir la couleur de ton écran, tout va bien. Reçu, RF nominal. J'écoute, CNDH. CNDH nominal. Les pointeurs du SSR sont à l'endroit prévu. Bien reçu. Les pointeurs de l'enregistreur sont là où ils sont censés être, ce qui signifie qu'on a observé quelque chose. On a des données. La sonde est en bon état. On vient d'accomplir le survol le plus lointain dans le système solaire. Un extrait de New Horizons, sonder les confins du système solaire avec de nouveau cet enthousiasme des scientifiques devant les reprises de contact avec la sonde. François Forget, d'ailleurs, des questions d'auditeurs qui arrivent pour vous. Elle est judicieuse, cette question de Captain Cabana qui vous dit « New Horizons est parti dans la ceinture de Kuiper après son survol de Pluton. On sait peu de choses de cette ceinture et certainement pas où se trouvent les astéroïdes qui la composent. Alors comment la sonde sera-t-elle guidée pour ne pas percuter un de ces astéroïdes ? Alors le vrai problème, c'est l'inverse, c'est de trouver ces astéroïdes. Ils sont suffisamment espacés pour qu'on risque pas de s'en prendre un ? Les distances sont immenses. Hein. On est beaucoup plus loin de la Terre, donc c'est un disque, d'accord, mais qui est avec des dimensions gigantesques, qui fait que, je sais pas, mais on va dire que chaque objet est distant de son voisin de plusieurs millions, voire dizaines de millions de kilomètres. Ah oui, ça fait une ceinture assez lâche hein, quand même, du coup. Parce que c'est gigantesque, tout simplement. Hein. Donc la vraie difficulté qu'a eu New Horizons, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'était justement de trouver un objet qui soit dans le cône, accessible après le survol de Pluton, avec le carburant qui était à bord. On pouvait perturber, modifier la trajectoire, mais pas tant que ça. Et il était très difficile de trouver un objet qui soit au bon moment, quelques années plus tard, disponible pour être survolé. C'était le cas d'Ultima Thule, c'était le cas d'Ultima Thule. On a trouvé que deux. Ouais. On a choisi Ultima Thule. Et même ça mériterait une émission à part entière. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne les trouvait pas, on ne le trouvait pas. Jusqu'en 2014, impossible de trouver avec un télescope sur la Terre. Il a fallu demander un nombre d'heures incroyable à la NASA pour utiliser Hubble, qui a été dédié pendant plusieurs semaines à cette recherche. Et heureusement, mes collègues en parlent avec presque les larmes aux yeux, ils ont trouvé Ultima Thule. Ouais, donc cet astéroïde, alors là, on est vraiment l'objet le plus éloigné du système solaire jamais, enfin de nous, hein, dans le système solaire, jamais observé. Alors, Qu'est-ce qu'on a vu quand on a survolé? Ça a eu lieu, c'est tout récent là, on est vraiment dans l'histoire en train de se faire. C'était le 1er janvier de cette année 2019. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, c'était le 1er janvier. Tout s'est passé un petit peu de la même manière pour Pluton du point de vue des opérations. C'est-à-dire la sonde passe en mode automatique pendant presque 24 heures. Là, ce que vous avez entendu, c'est la reprise de contact après cela, avec l'applaudissement, parce que les mémoires étant pleines, ça veut dire qu'on a mesuré plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On savait pas du tout à quoi ça ressemblait pour le coup. Un petit peu quand même, je vais pas y revenir. Néanmoins, ce que l'on a vu, c'était un monde extrêmement primitif. Exactement ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire, on avait deux sphères, deux disques aplatis. Au début, on a vu deux sphères, et puis après coup, on s'est rendu compte que c'était plutôt deux disques aplatis, en particulier le grand. Il y en a un grand et un petit. Au début, ça ressemble à un bonhomme de neige. Maintenant, ça ressemble à un drôle de truc avec deux disques collés, qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait, eh bien, ce sont des astéroïdes qui sont plus près de nous, ou la comète Churyumov-Gerasimenko. Vous savez, Churi, qui a été découvert par Rosetta. Donc là, c'est très, très, c'est quand même spectaculaire. C'est assez primitif, mais on voit bien que ça a été vraiment réaménagé, travaillé par le rayonnement solaire, ça a chauffé, ça a sublimé, c'est une comète, quoi. Mmh. Tandis que là-bas, on a quelque chose de très glacé. C'est resté au frigo depuis. Qui reste au frigo, au congélateur. Depuis le début de la formation du système solaire. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est assez passionnant. Mmh. Et ça ressemble à rien de ce qu'on connaissait, pour être honnête. C'est un peu tacheté. Il y a des petits trous. On se demande pourquoi. On sait pas trop. Il y a un débat. Les deux disques sont collés. Donc, on voit bien qu'au début, tout ça s'est formé de manière séparée. Et puis, ça s'est collé comment? Bah, c'est pas évident parce que normalement, quand deux objets tournent l'un autour de l'autre, un petit peu comme Pluton et Charon, ils ont aucune raison de se coller. Il a fallu qu'il y ait une interaction avec d'autres objets qui ont été éjectés. Et puis, eux sont collés, etc. Mais ça nous renseigne énormément sur comment se forment ce que nous appelons les planétésimaux, qui ne sont rien d'autre que les briques élémentaires qui ont formé ensuite les planètes. Mmh. Alors vous allez me dire, oh, on nous raconte toujours ça. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que on se pose plein de questions sur comment on passe, on va dire, d'un nuage de poussière et de gaz, hein, ce qui existait avant la formation du système solaire, du Soleil. Tout ça s'est effondré gravitationnellement, il y a eu un disque qui s'est formé. Et puis là, quand on essaye de simuler avec les équations qu'on connaît, de calculer sur ordinateur, on comprend pas comment les planètes se forment. Il y a des étapes intermédiaires, comment on passe des petits grumeaux, des petites billes à des trucs qui font plusieurs kilomètres. Il y a une énigme. Et ben là, on a vraiment vu un exemple, juste après cette formation-là, cette étape-là. Et on a le sentiment que certaines théories qui étaient proposées sont fausses, d'autres semblent être confirmées par cette observation, et l'enquête continue. Et si nous quittions un peu la science pour la fiction, c'est le moment d'aller faire un tour du côté des salles obscures avec Jérémy Quereney et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française. Arrête ton cinéma. All right, what about these fucking aliens? Le colonel vous demande. Oui, ça va, j'ai compris. Enfin, il semblerait tout à fait infondé de penser qu'il puisse s'agir de fucking d'extraterrestres. Enfin. Mais nous avons la situation bien normale. Bien, bien, bien, bien, colonel, nos amis américains vont nous donner un petit coup de main. Pays des frères Lumière et de la fusée Ariane, on aurait pu imaginer que la France soit une actrice importante de la culture spatiale et produise de nombreux films et séries de science-fiction. Et en fait, non. C'est pourtant dans un studio à Montreuil que le premier film spatial de l'histoire a été tourné, Le Voyage dans la Lune de Méliès. Mais depuis, les films français qui se déroulent au-delà de notre atmosphère sont des rares exceptions. Il faut dire que la France n'est globalement pas connue pour ses films de genre. Hein. Pas de western ici, pas de films de sabre, peu de comédies musicales, peu de films d'horreur. Bon, par contre, on a beaucoup, beaucoup de comédies. Ah bah si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. C'est donc au rayon comédie que l'on retrouve le plus de références extraterrestres. De Funès, Les Inconnus, Les Nuls, Cadet Olivier, Darry Cole, ils sont nombreux à avoir rencontré ou à avoir interprété des hommes de l'espace. Mais la plupart du temps, la rencontre a lieu sur Terre, et à part un ticket pour l'espace, ces films ne disent finalement pas grand-chose de l'espace. Ils sont plutôt l'occasion d'interroger notre humanité et notre identité. On est marre de la Terre, des terriens. Et surtout des Français, hein. Pas aimables, inhospitaliers, agressifs. Ils attendent de venir chez moi, là, sur Cryptalon, dans deux ou trois siècles. Autre façon de faire des films spatiaux, faire comme les Américains. Et dans le domaine, c'est assurément Luc Besson le plus fort. On lui doit Le Cinquième Élément et le récent Valérian, véritable space opéra made in France. Mais même s'il est tiré d'une BD française, même si une grande partie de son budget et de son équipe technique est française, pas facile en le regardant d'attribuer une nationalité au film. Et puis surtout, vu ses difficultés de rentabilité, pas sûr que les studios français continuent à produire ce genre de film, en tout cas pas à la même cadence que Disney avec Star Wars. Une mission concurrente américaine nous a pris de vitesse. Ils se sont posés il y a 15 jours. Quoi ? La NASA ? Franchement, on s'est fait baiser. Ni comédie française, ni film à l'américaine, plusieurs œuvres ont trouvé ces dernières années une autre voie pour nous amener dans l'espace. C'est déjà l'étonnant et dérangeant High Life de Claire Denis, sorti en 2018. Alors d'un certain côté, le film respecte les codes du film spatial, un huis clos carcéral dans un vaisseau et un équipage qui a tendance à se réduire au fur et à mesure. Mais avec ses ingrédients classiques, Claire Denis nous parle de sexualité, de frustration et même de reproduction, des thèmes presque tabous dans la science-fiction, mais intéressant, surtout quand on évoque un long voyage dans l'espace. Pourquoi tu t'entêtes à prendre leur sperme? Même si tu réussis à inséminer une des filles, les bébés sont tués par les radiations. Une série française se déroulant sur Mars, ça aurait semblé carrément impossible avant 2017, année de la sortie de Mission, dont la saison 2 est attendue début septembre. La série évoque une course à la planète rouge, mais pour une fois, la compétition n'oppose pas deux États, mais deux milliardaires, un Français et un Américain. Un peu comme si Bernard Arnault décidait de fabriquer sa propre fusée pour concurrencer Elon Musk. Et voilà, évoqué le financement de la conquête spatiale et la collaboration publique-privée dans le domaine, chose assez rare dans le cinéma hollywoodien. Loïs, c'est ma meilleure élève, passionnée. Enfin, elle va présenter le concours junior du CNES cette année. C'est super. Puis surtout, tu vois, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aller soi-même dans l'espace pour découvrir l'univers. Hein. Cet été est sorti le premier long-métrage de Marie-Sophie Chambon, 100 kilos d'étoiles. Le film suit le parcours d'une jeune fille complexée par son poids et ses rondeurs, rêvant de vivre le même destin que Thomas Pesquet. Pour cela, elle va participer à un concours de micro-fusées et de ballons-sondes et visiter les locaux du CNES à Toulouse. Alors bien entendu, pas de combat spatial ici, hein, pas même un extraterrestre à l'horizon. Mais le film nous montre ces jeunes terriens fascinés par l'espace, des terriens qui ont dû voir beaucoup de films de science-fiction, mais que finalement, on n'a pas souvent vu au cinéma. Alors vous, vous êtes le commandant Gramm. On ne peut pas se tromper, votre uniforme est vraiment superbe. French touch. Merci Jérémy Querenet. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, cnes.fr. François Forget, je vous voyais écouter ça avec attention. Je crois que vous êtes un adepte de science-fiction. Ça vous inspire une réflexion, cette chronique de Jérémy? Oui, comme beaucoup de mes collègues. Oh, une réflexion. Moi, je dirais. Alors, j'aime toute la science-fiction, hein, que ce soit Star Wars, des trucs délirants, ou la science-fiction un petit peu plus, qui se veut un peu plus réaliste, ouais. Comme Sol sur Mars, vous voyez le genre. Et ben, moi, je dirais aussi, des fois, j'ai plaisir à encourager les amateurs de science-fiction, simplement, à regarder un petit peu, justement, ce qui se fait dans l'exploration spatiale de nos jours, en particulier avec nos robots, parce que, quand même, c'est des belles aventures, et je suis convaincu que, dans quelques années, on racontera ça avec délice, un peu comme on raconte les grandes explorations du 16e siècle ou 17e siècle, on racontera comment les robots, finalement, c'est des petites équipes. Moi, je connais tous mes collègues, et on a l'impression, nous, d'être absolument privilégiés et de vivre des aventures de science-fiction. Qui mériterait d'être porté à l'écran? Allez, nous allons voir dans un instant où en est aujourd'hui la sonde New Horizon qui poursuit son périple. Elle nous envoie toujours des messages et vous répondrez, François Forget, aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous. We'll be right back. C'était Go, The Black Case sur France Inter. Le temps d'un bivouac. Vers l'infini et au-delà. Sur France Inter. Toujours en compagnie de l'astrophysicien François Forget, nous nous baladons aux confins du système solaire avec cette sonde New Horizon qui continue de nous envoyer des données qu'elle a prises lorsqu'elle a survolé l'astéroïde Ultima Thule. Elle communique très très lentement cette sonde, François Forget. Oui, on a récupéré à peu près 6 gigaoctets de données. Alors ça tiendrait sur n'importe quelle carte SD ou clé USB, oui. Mais il faut plus d'un an pour récupérer très doucement, avec l'antenne de 2 mètres d'un côté et les antennes de presque 70 mètres sur Terre. Et le débit donné est terriblement lent. 100 fois plus lent que, vous savez, les anciens modems qu'on avait là, les 56K. C'est 100 fois plus lent que ça. Donc c'est très très lent. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, j'imagine qu'une nouvelle image ou de nouvelles données arrivent, vous déballez ça un peu comme des cadeaux de Noël, vous, les astrophysiciens. Alors, surtout au début, parce que, évidemment, on récupère les données. On devine à l'avance quelles vont être les plus intéressantes. Donc, on a récupéré les images au début, puis les spectres de ce qu'on a estimé être le bon moment, et puis maintenant, on récupère tout le reste. Allez, quelques questions d'auditeurs, elles sont nombreuses. Léopold vous demande, y a-t-il une chance de trouver des traces de vie aux confins du système solaire? Ouais, c'est une bonne question. Elle paraît idiote, cette question, au sens où... Ah non, pas du tout. Je ne serais jamais permis de dire ça à Léopold. Non, mais j'ai dit tout à l'heure que la température à la surface était de l'ordre de moins 230 degrés. Et la chimie organique telle qu'on l'imagine est extrêmement figée. Mais en réalité, je vous ai dit aussi que le manteau de Pluton était constitué de glace d'eau sur des centaines de kilomètres de profondeur. Eh bien, on a le sentiment qu'à l'interface entre le bas de ce manteau de glace et la croûte rocheuse, il devrait y avoir un océan d'eau liquide. Et c'est assez fascinant d'imaginer que là, on a de l'eau liquide. Or, l'eau liquide, pour les exobiologistes qui s'intéressent à la possibilité de vie ailleurs, c'est l'ingrédient nécessaire, peut-être suffisant. Et donc, on peut spéculer que là, au fin fond, sous la glace de Pluton, on pourrait avoir un océan avec peut-être des formes de vie. Alors, pour aller le chercher, une difficulté effarante. Quand vous dites des formes de vie, on est sur de la bactérie ou on est sur du gros poisson dans cet océan? J'aimerais bien dire de gros poissons. On n'en sait rien du tout. C'est de la spéculation totale. Par contre, l'idée qu'il y a un océan d'eau liquide, il y a plusieurs indices convergents. Je ne vais pas les raconter ici, mais on a des bons indices qui nous suggèrent cela. Géraud vous dit, vous faisiez mention pour la découverte de Pluton de la perturbation de l'orbite de Neptune. La faible masse de Pluton suffisait-elle à justifier cette perturbation? Et est-ce qu'on recherche aujourd'hui une autre 9e planète pour justifier cette perturbation? Alors, la réponse, c'est que non. En fait, l'orbite de Neptune n'est pas du tout, ou presque pas affectée par Pluton. En tout cas, c'était quasiment indétectable. Et donc, on a trouvé Pluton finalement un peu par hasard. Donc, c'est quand même du bon travail. Mais par contre, l'idée qu'une planète plus lointaine et peut-être plus massive existe aux confins du système solaire que l'on n'a pas encore découverte, qui serait une vraie 9e planète. Tout à fait. Oui, ça existe. C'est possible, ça? Oui, ça existe. Alors, c'est pas en regardant Pluton, c'est en regardant d'autres objets transneptuniens. Le plus connu, c'est Sedna. Et là, on a découvert que, au-delà de la ceinture, là où il y a la plupart des objets, donc la plupart des objets, c'est entre 30 et 50 fois la distance Terre-Soleil, en orbite autour du Soleil. Au-delà de ça, il y a certains objets qui ont des orbites très elliptiques, et on s'est rendu compte qu'ils ont tendance à être tous orientés dans la même direction. Mmh. Et on a l'impression qu'ils sont peignés par quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? La meilleure spéculation, ce serait qu'il y a une vraie planète, une 9e planète, on a annoncé ses découvreurs, qui serait peut-être de jusqu'à 10 fois la masse de la Terre, un très très gros corps, mais par contre qui serait très très loin, peut-être de l'ordre de 500 à 1000 unités astronomiques. Et là, actuellement, les astronomes, il y a une espèce de course en action pour essayer de rechercher cette planète extraordinaire qui serait 10 fois plus grosse que la Terre. En 30 secondes, c'est quoi la prochaine étape d'exploration de Pluton? Est-ce que d'autres missions sont envisagées? On en rêve, rien n'est envisagé. La mission New Horizons n'est pas terminée. Un des rêves de l'équipe, c'est que avec son télescope qui est à bord, elle puisse repérer, parce que maintenant elle est trop loin, même que depuis la Terre, on puisse trouver un nouvel objet à explorer. Ouais. Mais avec son télescope sur place, peut-être qu'on pourrait trouver dans le champ de vue un objet à aller explorer. Il reste du carburant, on pourrait la dévier et puis peut-être dans 1 ou 2 ans, survoler un nouveau monde comme Ultima Thule. Il faudra venir nous le raconter. Merci François Forget, c'était passionnant de vous écouter dans ce nouveau monde glacé de Pluton. Je vous présente notre invité de la deuxième heure. Il s'appelle Bruno Leandri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et humoriste. Les lecteurs de Flûte Glaciale vous connaissent bien. Alors après la jolie réussite de l'aventure New Horizon, nous allons nous intéresser avec vous aux loupés de l'histoire de l'exploration. C'est le thème de votre dernier livre, Les ratés de l'aventure, aux éditions du Trésor, dans lequel vous racontez des histoires d'aventuriers malchanceux dont les explorations ont viré au fiasco. Vous allez nous raconter quelques-unes de ces ratés dans la suite de cette émission. À tout de suite. Il faut d'abord que je redescende de Pluton parce que j'étais parti là-bas, moi. On vous prépare le terrain d'atterrissage.